They gon' see us coming, they gon' see us coming, yo. Niggas are burning, niggas are burning for righteousness. This is only rap for niggas like me who work so much now in this world. Why that with a crazy cop who bought some paper that's inside my blood just because I'm black? They put in strap, it gets me mad. This crazy guy who don't know how to act. Sometimes I wonder if I bring it back. All my people hold me down all around the world. That's why I don't watch down. No matter how they do it, it's international. We gonna live on mark. Whatever we have, it's the first part. C'est quelque chose qu'ils ont inventé. À l'époque de mon enfance, j'avais aucune idée. Nos mères étaient combien d'esclaves dans la prison parce que tu es immigrante. Les gangsters parce que tu travailles dans un salon de coiffure. La police est inventée par les Babylones. L'internationalisation, légalisation, inventée par les Babylones. La justice plutôt que la justice. La justice plutôt que la justice. ¿Legalizarme para quién? Si yo no soy un criminal.